Bienvenue dans la suite. Reprenons là où nous nous étions arrêtés. Et que ce n'est pas menaçant? Ça ne devrait pas l'être si le climat est bon. Si l'enseignant a créé un espace où on peut discuter, où on peut être en désaccord, alors oui, l'élève peut exprimer ses doutes. Comment on crée cet espace? Par la cohérence, d'abord. L'enseignant ne doit pas punir un élève pour avoir posé une question. Il doit valoriser la pensée critique. Et concrètement, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à des phrases comme « C'est une bonne question, pourquoi tu penses ça ?» ou « Je ne suis pas sûr de ce point non plus. Réfléchissons ensemble. » L'enseignant montre son incertitude. Oui, ce qui humanise le rapport. On n'est pas dans une relation où le prof sait tout et l'élève riait. On est dans une relation d'apprentissage collectif. C'est beau comme vision. C'est aussi plus efficace. Les recherches montrent que quand les élèves se sentent psychiques en sécurité, ils apprennent mieux. Ils osent prendre des risques, ils osent se tromper. Et sans cette sécurité? Sans elle, les élèves ferment les portes. Ils donnent ce que l'enseignant veut, sans réfléchir vraiment. Donc, ça revient à cette littératie, à la rétroaction. Si on crée un environnement sain, les élèves peuvent réellement l'utiliser. C'est ça. Et si on leur enseigne aussi comment la traiter, comment l'utiliser, alors oui, on a été offerté pour l'esprit critique. En gros, c'est un travail à la fois sur l'environnement et sur les compétences. Oui, exactement. Pas juste l'un ou l'autre, les deux. Et vous pensez que c'est possible dans le système scolaire actuel, avec les ressources qu'on a? Je pense que c'est essentiel et urgent. On perd tellement de potentiel en ce moment. Les élèves qui pourraient vraiment progresser ne le font pas parce qu'ils ne savent pas quoi faire de la rétroaction. C'est un gaspillage. C'est un gaspillage énorme. Et pas seulement des ressources, mais des vies. Les enfants qui pourraient aimer l'école, qui pourraient développer la confiance en eux. Ça sonne comme un appel? C'est un appel, oui. Je pense que les enseignants ont besoin de soutien pour enseigner ça, de formation, de ressources. Comment on forme les enseignants à ça? D'abord, en leur expliquant le modèle, les quatre dimensions. Ensuite, en leur montrant comment c'est applicable dans leur propre classe. Des formations pratiques. Oui, pas juste de la théorie. Des vrais exemples, des outils, des scénarios qu'on peut mettre en place. Et l'interaction, vraiment, c'est la clé de tout ça? Interaction, c'est ce qui fait que tout fonctionne. Sans dialogue, rien ne marche vraiment. Pourquoi? Parce que l'apprentissage est un phénomène social. On apprend en échangeant, en confrontant nos idées, en se questionnant. Et dans ce contexte, la rétroaction devient un outil de dialogue. C'est ça. Pas une sentence, mais un point de départ pour une conversation. Une conversation qui peut mener à l'esprit critique. Exactement. C'est l'esprit critique qui naît du dialogue, pas de la transmission passive. Merci pour cette perspective. C'est vraiment éclairant. Merci de m'avoir donné la chance d'en parler. C'est un sujet qui me tient à cœur. Et je pense que ça va intéresser les enseignants qui nous écoutent. Merci d'avoir été avec nous. De rien. À bientôt peut-être.